Bonsoir et bienvenue à une conférence avec M. Daniel Kemp. Avant de débuter, quelques précisions à tenir compte. La prochaine conférence va avoir lieu au Château Royal à Laval. C'est pour le mieux, car là-bas, les salles sont beaucoup plus grandes, c'est beaucoup plus aéré, on va être beaucoup mieux, quoi. Et puis, il est possible aussi à l'entrée qu'on puisse changer de salle, parce que là, il manque de place à l'arrière, là. Puis, ventilation est pas extraordinaire, là, dépendant qu'on se trouve en avant ou en arrière, soit qu'on a froid ou chaud. Est-ce qu'il va falloir que je change de salle, moi aussi? L'idée est bonne. Sujet de la conférence ce soir, les états de conscience. La conscience, c'est quoi? Science, ça vient du mot « sire ». Ça veut dire « ça », ça veut dire « savoir » et non pas « monsieur ». Et « qu'on veut dire avec ». Bon. Donc, la conscience, c'est la capacité d'être avec le savoir. Le savoir, c'est une mécanique qui est instantanée. On connaît la ville de Montréal, mais on ne peut pas dire « je sais la ville de Montréal ». Mais on ne dit pas « je connais que je vis », on dit « je sais que je vis ». Le savoir, c'est un phénomène instantané, donc qui n'est pas temporel et qui n'est donc pas limité par le temps. Cela veut dire que ce n'est pas mémoriel, ça ne s'apprend pas. La conscience, c'est donc la capacité que peut avoir l'humain d'être avec l'instantané au niveau du savoir. Le savoir, ça porte différents noms, évidemment. Au niveau du langage québécois, on parlera souvent d'intelligence supramentale. Maintenant, l'intelligence supramentale, c'est un phénomène qui n'est pas limité au savoir. Le savoir supramental, c'est une mécanique énergétique qui engendre la conscience. Et chez l'être humain, la conscience va être exprimée à un moment donné sous trois états différents. Le premier, c'est le savoir, c'est l'intelligence. Le deuxième, c'est la volonté. Le troisième, c'est la créativité. Et ça fait partie, ça, de ce qu'on appelle le phénomène supramental, c'est-à-dire que c'est une étape supérieure au plan mental qui est actuellement développée chez la majorité des cerveaux de l'hémisphère nord de la planète et chez plusieurs au niveau du contexte sud. En haut du plan supramental, qui est l'intelligence instantanée, on a ce qu'on appelle l'amour instantané, que les gens souvent appellent au niveau de l'ésotérisme le plan bouddhique, mais ça n'a rien à voir avec Bouddha. Et par la suite, on a le plan de l'intentionnalité, que les gens appellent souvent le plan divin, mais ça n'a rien à voir avec les concepts des divinités que l'on connaît actuellement dans les différentes théologies. Alors, la conscience, c'est simplement être avec le savoir instantané. C'est la conscience. Donc, un être humain peut apprendre, mémoriser, qu'il doit être écologique, mais peut aussi avoir une conscience écologique. Ça veut dire que quand quelque chose n'est pas écologique, il le sait instantanément. Ce n'est pas nécessaire qu'il l'apprenne. Il est avec le savoir instantané. Au niveau d'écologie, ça sera au niveau des relations humaines, au niveau d'une pathologie, au niveau de n'importe quoi, c'est la conscience. Mais il y a des individus qui peuvent être intelligents, mais non conscients. Oui, oui. Mais d'après ce que tu viens de dire, moi j'ai cru décoder que c'était intimement lié ces choses-là. Non. La conscience est intimement liée à l'intelligence, mais l'intelligence peut descendre à travers l'humain sans le rendre conscient. Et ça va le brûler. Et c'est ce qui est intéressant, quand on parle des états de conscience, on va parler aussi de la mort. Tu t'intéresses à la mort? Oui. Un jour, en tout cas, elle va s'intéresser à toi. Bon. Alors, mieux vaut choisir ses vers avant qu'elle ne nous choisisse. Hein? Ouais, on va parler un peu de la conscience, de la mort. L'être humain n'est pas un être vivant. Non, c'est un être humain qui est souvent mort. Sauf qu'on va l'enterrer dans 10, 15, 20, 30 ans. Bon, OK, mais... Le corps physique, souvent, a l'apparence de la vie. Et sauf que l'être humain peut mourir dans l'astral, être vivant dans le physique et dans le vital. L'être humain peut mourir, son corps mental peut mourir, et l'humain reste vivant dans le plan astral, dans le plan psychologique, dans le plan vital, dans le plan physique. Par contre, quand il y a eu une effusion, l'effusion, c'est un processus inverse à la fusion, puis l'effusion... C'est un peu ce qui a régi la descente de ce que certaines personnes appellent les énergies michaéliennes, l'arrivée ici sous le nom de Jésus, du nom du Christ plutôt, puis d'aller crucifier l'enfant Jésus pour en faire un Jésus-Christ. Et l'effusion, c'est lorsque ce qui est vivant, ce qui est spontané, ce qui est supratemporel, ce qui n'est pas limité par le temps, vient meurt. C'est-à-dire qu'on a une partie, par exemple, d'une mécanique instantanée qui meurt quelque part. Et en mourant quelque part, ça crée une mécanique, ça crée un phénomène qui est universel, qui est intéressant, que les hindous appellent le chaos. Et il y a une autre partie de ça qui meurt. Puis quand je parle mourir, ça veut dire que ça devient mémoriel. Je m'en rappelle, mais ce n'est pas instantané, donc ce n'est pas vivant. Parce que Si on vous enlève la vie pour vous laisser la mémoire, ça ne vous arrangera pas. C'est exactement ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ça crée le continuum qu'on appelle le temps, et c'est mort. Et lorsqu'une autre partie meurt, ça va engendrer ce que l'humain connaît sous la forme... c'est assez grandiose. Pour sauver un petit peu de temps, on va sauter des petits détails. Ça meurt. Qu'est-ce qui reste? Bien, il reste un corps physique avec un corps vital. C'est des végétaux, c'est des acides aminés, c'est des amibes, ça devient des végétaux, ça devient des animaux, etc., des aminos, des hommes. Et à un moment donné, va être ressuscité. Donc, on va ressusciter de nouveau, on va ramener à la vie, le corps astral chez l'homme. Ça se fait au début, fin Lémurie, début Atlantide. Par la suite, on va ressusciter le corps mental. Ça, c'est la race blanche, la cinquième race mère, la race blanche, la race indo-européenne. Puis quand je parle blanc, moi, je parle pas cutané, je parle neuronique. Mais associé à tous ces phénomènes-là, et de la conscience. C'est tous des états de conscience. C'est ça, c'est des niveaux de conscience. C'est tous des états de conscience, c'est ça. Alors, il y a un état de conscience qui est vital, il y a un état de conscience qui est physique, il va y avoir un état de conscience qui va être astral. Lorsqu'on va ressusciter le corps mental, et ça s'est fait surtout pendant la Première, Deuxième Guerre mondiale, mais c'était déjà en gestation dans les 35 000 ans avant ça, là, on va ressusciter le corps mental. Dans les religions, et je dis souvent que les religions ne mentent pas, aucune religion ne ment, sauf qu'elle ne dit jamais toute la vérité. Et ça crée des problèmes, parce que l'humain va inventer des mécaniques qui sont illusoires, des concepts qui sont des concepts de mensonges pour arriver à s'expliquer des choses. Un peu comme je dis dans le séminaire, lorsque la religion catholique dit que lorsque vous allez mourir, vous allez aller dans le ciel et vous allez retrouver les gens que vous avez connus et aimés, vous allez les retrouver pour l'éternité. Dans le séminaire, ce que j'explique aux gens, c'est qu'effectivement, vous allez vous ramasser dans le monde astral, dans le ciel, dans le monde de la mort, et vous allez vous fusionner à eux. Donc, vous ne serez plus jamais vous, ils ne seront plus jamais eux, vous allez être quelque chose de neuf. C'est ça qui se réincarne. Et c'est pourquoi quand on se réincarne, on ne se rappelle pas qu'est-ce qu'on a été. Puis on se rappelle qu'on a déjà été telle affaire, mais aussi telle affaire, etc. Puis ça n'empêche pas que Cléopâtre de se fusionner avec 35 000 autres mémoires. Puis à un moment donné, on aura 20, 30, 40 ou 200 femmes qui auront l'impression d'avoir été Cléopâtre. Ce qui va faire dire aux individus qui ne connaissent pas les mécaniques astrales, mais voyez comment c'est faux. Il y en a quatre ici qui se prennent pour Cléopâtre. C'est pas faux. C'est des réincarnations pluralitaires fusionnelles. Donc dans la Bible, on le dit, si on dit tu meurs, tu vas retrouver ceux que tu as connus et aimés pour l'éternité. Ce qu'on dit pas, c'est que c'est pour l'éternité. C'est un condo astral, t'es pogné, tu peux plus vendre, après t'es fusionné, donc c'est plus la même chose. Dans les religions, on parle aussi de certaines choses, on parle de la résurrection. La résurrection, on parle de réincarnation. C'est intéressant la réincarnation, la religion catholique l'a enseigné longtemps jusqu'au concile de Vatican, Vatican I en premier, puis on l'a finalisé ça à Vatican II. Mais on enseignait la réincarnation, et puis dans la Bible même, on pose souvent des questions aux Nazaréens, qui es-tu? Es-tu le Baptiste? Es-tu Élie? Etc. Bon, lui, il disait pas, comment? Élie, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Il disait, non, je ne suis pas Élie. Il connaissait la réincarnation. Sauf que les religions parlent de la réincarnation, et à un moment donné, on parle de l'Église catholique, qui est celle qui a été bâtie sur les épaules des mémoires du Nazaréen. Et à l'intérieur, à un moment donné, on cesse d'enseigner la réincarnation. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas neuroniquement et psychologiquement bâtis pour supporter la réincarnation. Nous, on est des syndiqués. Alors, si on se réincarne plus tard, ben autant s'amuser ici puis se gaver de n'importe quelle cochonnerie puis on se reprendra plus tard. Alors, à un moment donné, l'Église a fini par dire, écoutez, notre gang, elle s'en va ce qu'il faut pas. Les troupeaux, les moutons. Alors, on va leur expliquer que... On dit brebis, hein, c'est plus poli. Alors, on va expliquer à nos brebis que la réincarnation n'existe pas et qu'il n'y a que la résurrection. La résurrection, c'est un phénomène intéressant parce que l'Église catholique est l'une des presque la seule religion. L'Église catholique et toutes ses ectopicités, toutes les tentacules qui sont parues du christianisme, parlent de la résurrection. La résurrection, c'est quelque chose qui existe réellement et c'est le réveil d'un corps. Mais quand on parle à la fin des temps, on va vous ressusciter, on ne ressuscitera pas un corps de chair. On n'a rien à faire du corps de chair. Même le Nazaréen a transmuté son corps de chair en corps de lumière. On ressuscite toi. C'est toi qu'on va ressusciter. Mais toi, c'est en fonction de ce que toi ou toi, hein, féminin, c'est masculin. Toi. Oh, ben, écoute, ils n'ont pas mis de sexisme dedans. Ce que tu étais avant de mourir. Mais la mort, c'est la fusion. Tu oublies, tu perds, tu t'en vas. C'est la mort. Alors, quand on va ressusciter le corps supramental, et c'est ce corps christique-là, parce que, étymologiquement parlant, le phénomène supramental est de l'énergie christique. Christique, ça vient de Christos, bon sauveur, mais c'est du point de vue spirituel de l'homme, ce qui va venir sauver l'humain. Mais ça sauve pas. Avant cette première mort-là, est-ce qu'il y avait de la conscience et de l'intelligence? Il y avait de la conscience, mais il n'y avait pas d'intelligence. Donc, tout ce cheminement-là, c'est seulement pour ramener de l'intelligence avec la conscience? Non, c'est une trop grosse question, là. Je vais revenir sur la... on parlait tout à l'heure un peu des perfecteurs de conscience. Peut-être qu'on pourra s'amuser à aller voir un peu ce qui crée ça. La deuxième partie. Sans ça, on va faire un grand détour de la conscience. C'est intéressant, mais c'est... Pas le temps. Pas le temps. Pas de suite. Non, c'est brûlant. Donc, ce qui arrive simplement, c'est que l'humain est mort. Mm-hmm. Et on a vécu la résurrection du corps physique. Maintenant, on a un corps de chair, ça a commencé, c'était pas aussi joli. Parce que vous êtes beau et belle. À quoi que vous puissiez en dire, ou quoi que les autres en disent. Parce que comparé à un acide aminé, ou à ce que vous pouvez regarder, prenez un microscope et regardez protozoaire, puis comparez-vous. Il y a eu la résurrection du corps de chair, il y a eu la résurrection du corps vital qui a amené la vie, il y a eu la résurrection du corps astral qui a amené la psychologie, l'âme, les émotions. Il y a eu la résurrection du corps mental qui a amené le légiférateur humain, l'intellect au départ, puis finalement le corps mental solide qui permet à l'humain de créer des structures logiques et pas uniquement des crustules, des structures qui vont être biologiques, endocriniennes, émotives. Bon, ça me touche, alors je réagis. À un moment donné, c'est parce que c'est pas logique, alors je réagis. Et là, on est tout près de la résurrection du corps supramental, ça veut dire la résurrection de l'Esprit Saint, si on prend l'étymologie de l'antique religion. L'Esprit Saint, c'est un esprit pur, non coloré par les mécaniques humaines. C'est un état de conscience. Maintenant, il y a des êtres humains qui, à un moment donné, vont recevoir de l'énergie supramentale, de l'intelligence, et eux n'ont pas de conscience supramentale. Et s'ils n'ont pas une conscience mentale suffisamment élaborée, ils peuvent être brûlés par l'intelligence. Alors, il y aura des personnages. Celui qui a écrit la cosmogonie d'Urantia, par exemple, c'est un psychiatre. Il a écrit la cosmogonie d'Urantia, c'était génial, mais lui, il ne l'a jamais compris, puisque l'intelligence, quand elle l'a traversée, elle l'a brûlée. Bon, lui n'avait pas de conscience mentale suffisamment élaborée pour être capable de supporter le contact. Si on prend, par exemple, Madame de Blavatsky, l'intelligence l'a traversée, l'intelligence l'a brûlée. Bon, oui. Alice Bailey, même chose, et puis, veux-tu savoir si ça va t'arriver? Non. Parfait. En fin de compte, la conscience gère cette intelligence-là, la digère. Qu'est-ce qui fait que justement l'individu de la conscience n'est pas brûlé par cette intelligence-là? Pour la simple raison que, premièrement, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas être capable de supporter de l'intelligence quand elle va descendre pour que ça se transmette en conscience chez toi sans te brûler? C'est ta génétique. Ta génétique, elle est acquise et elle est innée. Donc, une grande partie de ta génétique qui provient de ta naissance, qui provient de toutes tes lignées familiales, mais il y a une grande partie de ta génétique qui est innée, qui est acquise. Pourquoi? Parce qu'il y a des cellularisations qui se font tout au long de ta vie, c'est-à-dire que les cellules codifient au niveau des structures ADNiques, de l'ADN, les mécaniques qui gèrent ta vie. Une grande partie des répétitions événementielles qui, à un moment donné, vont te marquer. Alors, à un moment donné, l'exemple le plus facile à comprendre, c'est si vous faites du yoga pendant 20 ans, puis après 15 ans, vous êtes relaxé, ça va bien. Quand vous essayez de faire du yoga, au bout de 2 semaines, vous perdez votre relaxation. C'est que la relaxation appartenait au yoga, puis vous ne l'avez jamais cellularisé. Donc, vous étiez l'esclave de votre technique. Mm-hmm. L'individu qui fait ça consciemment, le yoga, ou qui fait n'importe quelle technique d'ascension consciemment, à un moment donné, il va faire du yoga pendant 5 ans, et après ça, il cesse de faire du yoga. Mais ce que le yoga avait à lui amener est cellularisé. Ça reste chez l'individu. Il n'a plus besoin de pratiquer. Et ça, c'est ta génétique acquise. Cette génétique-là, et c'est pourquoi la drogue, trop d'alcool, trop de paquets de petites choses, là, ça peut nuire. La génétique acquise, comme la génétique innée, va faire en sorte qu'au contact de l'intelligence supramentale, au lieu de subitement devenir un canal comme un poste de radio où tu vas exprimer des choses extrêmement géniales, puis tu vas mourir pauvre, abandonné quelque part, oublié de tout le monde, au lieu que ça soit comme ça, ce qui va arriver, c'est que tu n'exprimeras pas immédiatement de la génialité. Mais par contre, tu vas devenir frustré. Là, tu développes de la conscience. Parce qu'un être conscient en train d'être ressuscité au niveau du plan supramental ressemble à un être frustré. Parce qu'il est frustré. Voilà. C'est intéressant. Es-tu frustré? Ça commence. Bon, tu ne seras pas brûlé de bord. C'est une chose qui dit ça. En fin de compte, je suis le seul à avoir la conscience que j'ai. OK, oui. Oui, effectivement. Tant mieux. Mais cette conscience-là... Oui, j'ai dit quelque chose? Non, oui. Donc, je pourrais pas non plus avoir conscience de ta conscience. Oui, à un moment donné, on va être énergiopathe, c'est-à-dire qu'on va avoir une relation de symbiose énergétique, style télépathie, mais la télépathie, c'est organique surtout. on va avoir une communication énergiopathique qui va faire en sorte que sur toutes les sphères ressuscitées, on va être capable d'être en communication. Autrement dit, instantanément, lorsque je vais savoir une chose, instantanément, tu vas savoir que je sais cette chose-là. Malgré nos corps physiques. Ou si c'est... À ce moment-là, le corps physique n'est pas un problème. Le corps physique est un problème uniquement parce qu'il n'est pas habité par des êtres ressuscités. Mais le corps physique, à fin de compte, c'est une antenne qui permet une certaine... C'est un véhicule. L'antenne, c'est toi. L'antenne, elle commence au niveau du plan astral de la psychologie. Un zombie, c'est pas une antenne. C'est un corps vital, c'est un corps physique, ça se promène. OK. Quand tu dis « moi », c'est qui, ça? Dans le sens de... Parce que moi, je suis pas spontané, là. Je sais pas. Est-ce que j'ai dit « moi »? Là, je viens de le dire. Donc, oui. Qu'est-ce qu'il antenne à moi? Dans toi? Ah, OK, quand je parle de toi. Ah, oui, pas moi. Toi. Toi. Ah, c'est pas la même chose. Toi, c'est la conscience qui t'habite. T'as de la conscience. Mais on va revenir un peu sur toi plus tard. C'est compliqué. C'est intéressant. Mais je veux qu'on parle des états de la conscience. Bon, continuons avec les états de la conscience. Ça. As-tu un exemple d'une personne qui a reçu de l'intelligence puis qui a été brûlée? Autre que toi. Autre que moi. Non, toi, tu n'es pas brûlé. Bon, mais est-ce que tu as des exemples? Monsieur Lefebvre, qui, par ses recherches, par ses écrits, a descendu l'intelligence, mais ne semble pas pouvoir en profiter de cette intelligence-là. Francis Lefebvre. Effectivement, il a amené de l'intelligence, il a amené de la pédagogie au niveau des phosphènes, des acouphènes et ces choses-là. Effectivement, c'est un bonhomme qui était un très bon bonhomme. Oui, effectivement, il a descendu de l'intelligence, il a été bousillé par l'intelligence qui a descendu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de conscience. Ça veut dire que lui est devenu un vecteur, un peu comme plusieurs des saints, ou des saints de nos religions ou des religions de d'autres. À un moment donné, ils ne deviennent que des vecteurs. Alors, à un moment donné, lui, il ne comprend rien. Subitement, il commence à diriger, il s'en va, il se promène. Je lui ai manipulé. Lui, il était super manipulé. Et puis là, il a amené un paquet de choses, il a enseigné ça, il a guéri des autistiques, il a guéri un paquet de personnages, il a permis une émancipation au niveau de l'intellect. Et apparemment, chez lui, vois-tu, moi, je l'ai connu, ce bonhomme-là, ça donne bien, et je l'ai connu, enfin, moi, je l'ai connu, lui, il m'a oublié. On était ensemble et puis je jase avec lui et puis je me le fais présenter. Il y a M. Payotte qui me le présente et puis je jase et puis finalement on se promenait ensemble côte à côte dans un grand hôtel. Et puis là il y a une personne qui passe, qui le frappe, puis ça l'a juste fait pivoter. Puis une fois pivoté, il... Ah, où il est? Il me cherchait. Alors là, je touche l'épaule, il se retourne. Ah, il est là! Ah, bon, on continue à jaser. À un moment donné, on arrive à son kiosque, il me donne un petit livre. Et puis, 30 secondes après, ben là, il me donne encore un petit livre. Alors, je lui dis, écoutez, j'en ai un. Là, vous en avez acheté un. Je lui dis, non, je ne l'ai pas acheté, vous l'avez donné. Ah oui? Ah bon? Bon. Après ça, il logeait chez un de mes amis. Alors, j'ai été le reconduire chez lui, j'avais un Jeep. Premièrement, il a perdu ses boîtes de livres en sortant d'hôtel. Et finalement, on les a retrouvées. Mais là, moi, je suis en train de mettre les boîtes de livres dans ma Jeep. Et puis, M. Lefebvre, on lui dit d'embarquer. J'étais avec ma femme. Ma femme était assise à la place du passager. Lui, il fallait qu'il embarque en arrière. Alors, il fait le tour sur la rue Sherbrooke. Il y avait du trafic. C'est une vraie farce. C'est l'hiver. Et puis, il fait le tour. Puis, il monte. Il s'assoit à la place du chauffeur. Mais il ne sait même pas conduire. Puis, il ne sait pas où est-ce qu'on va. Et là, à un moment donné, ma femme, elle lui dit Non, pas là. Ça, bon, là, il sort. Il referme la porte. Puis là, il passe en avant de la Jeep. Puis là, on le voit qu'il se débattait. Son grand manteau était prêt pour mon pare-choc. Là, il tirait. À un moment donné, là, il arrive à le défaire. Il fait le tour, il rentre, puis à un moment donné, on se retourne, il n'est plus là. Il est tombé entre les deux bains. Alors, on le rassoit, on arrive, il restait pas loin de l'hôtel, on débarque, et puis là, on monte chez lui, on monte ses boîtes, et là, il cherche ses clés, alors on fouille dans son manteau, on trouve ses clés. Là, il ouvre la porte, il rentre, puis il referme la porte, puis il disparaît, puis il nous laisse là avec les boîtes. Donc, on cogne. Là, il ouvre la porte, oui, qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai dit, vous avez laissé vos boîtes dehors. Ah, vous êtes gentil. Là, il rentre ses boîtes, il referme la porte. Là, on recogne. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est laisser vos clés après la poignée. Ah, vous êtes gentil. Ferme la porte aussi vite. Ça, c'est un individu brûlé. Oui. Voilà. Mais cet individu-là, est-ce qu'il... Par contre, lui, tu l'amènes d'une conférence, tu lui poses des questions, puis quand il se branche sur ce qui l'amène l'intelligence, il subitement, pouf, il part. Là, j'arrête plus. Puis quand il a fini, ah, bonjour, est-ce qu'on commence? Là, il faut qu'on lui dise que c'est fini. Mais ce qu'il va amener est extrêmement utilisable. Pour l'intelligence? Pour lui-même. Pour l'expression, oui, OK. Ouais, ce qui lui amène est extrêmement intelligent. Lui, il ne peut pas s'en servir. Pourquoi? Parce qu'il a été brûlé par l'intelligence. J'ai connu un médecin qui a failli être brûlé à un moment donné. La personne, elle avait de l'intelligence, elle n'avait pas suffisamment de conscience. Elle pratiquait certaines techniques pour arriver à développer cette conscience-là, mais finalement, elle les pratiquait plus ou moins. Et puis, à un moment donné, elle a presque brûlé, c'est-à-dire qu'elle s'est ramassée dans son bain, elle a pris son bain, elle a fait couler l'eau. Et puis, à un moment donné, elle a relaxé. Et puis, quelques heures après, le concierge a fait défoncer la porte par la police. Et puis là, parce qu'il y avait de l'eau qui coulait partout dans le bloc, alors on a coupé l'eau. Et puis, elle était dans son bain, elle, puis elle regardait tout le monde. Et puis, elle s'est ramassée dans un hôpital, dans une annexe psychiatrique. Et puis, elle a passé quelques mois comme ça, à marcher à quatre pattes, et puis à faire ses besoins partout, puis à mordre le monde, puis c'est correct. Mais elle, dans son cas, c'était pire parce qu'elle était punie par l'intelligence, c'est-à-dire qu'elle était consciente de ce qui se passait, mais elle ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Et j'avais parlé à sa famille, puis je leur avais dit qu'à partir de telle date, elle va être correcte. Puis effectivement, début du mois en question, elle était correcte. Elle est sortie de l'homme, c'était correct, mais là, elle a changé un peu ses structures. Elle a failli être brûlée par l'intelligence. N'ayez pas peur, ça ne vous arrivera pas. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence, la conscience, ça va s'allier à un moment donné, mais il faut que les corps soient capables de le supporter. L'état, premièrement, on a un corps physique qui a un état de conscience qui est biologique. Cet état de conscience-là nous parle. Il va être capable de nous dire ce que l'on doit manger. Il va être capable de nous dire ce que quand on doit se coucher, quand on doit prendre des vacances, quand on doit courir, quand on doit sauter, quand on doit s'étirer. La problématique, c'est qu'il a un corps ressuscité vital qui va lui permettre l'animation. Il y a un corps ressuscité astral qui est la psychologie. Le corps astral chez l'humain, c'est ce qui comprend l'âme. Puis dans l'âme, on retrouve l'ego. On retrouve l'ego, on retrouve les désirs, et on retrouve aussi la majorité des mémoires, puis la relation entre ça, c'est ce qu'on appelle la psychologie. Et il y a souvent chez l'humain, comme actuellement dans la salle ici, tout le monde, puis la majorité des personnes qui vivent dans le contexte nord-américain, donc Canada, américain, puis une partie grosse partie d'Europe, ont un corps mental ressuscité. La problématique, c'est qu'on a un corps supramental mort, un corps au niveau de l'amour gratuit mort, puis un corps au niveau de l'intentionnalité mort. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand il y a un corps qui meurt, les corps qui sont ici ne sont plus capables de se gérer comme s'ils étaient un individu totalement ressuscité, donc totalement vivant, et ils vont créer chez eux des correspondances des corps morts. Mm-hmm. C'est un peu comme si le corps physique essayait de recréer la correspondance du corps mental. Alors, à un moment donné, un corps physique qui essaie de recréer une correspondance du corps mental, ce n'est pas arrivé, comme ça, va marcher un peu comme Robocop. Il va essayer de se créer une structure logique robotisée pour faire mental. Mais ben, ce n'est pas le corps mental. C'est toujours dénaturé. Alors, lorsque l'intelligence supramentale est morte, lorsque le corps mental n'est pas ressuscité, ça va créer dans l'intellect de l'humain des mécaniques qui vont l'amener à régir d'une façon intellectuelle l'intelligence, donc l'écologie. Autrement dit, il faudra que ça rapporte physiquement, il faudra que ça rapporte humainement, il faudra que ça rapporte égoïquement. La problématique, c'est qu'étant donné que le corps bouddhique, donc le plan de l'amour gratuit, est décédé chez l'humain, il va y avoir une correspondance qui va être créée dans le plan astral. Et là, l'humain va créer, en essayant de copier, de faire un mimétisme du plan de l'amour gratuit qui n'est pas ressuscité, il va engendrer la spiritualité. Et la spiritualité est un grand problème parce que la spiritualité, c'est de l'amour sans intelligence. Étant donné que le corps supramental est mort, alors là, l'humain tombe en amour. L'humain ne monte jamais en amour. Dans le plan de la spiritualité, l'humain tombe en amour. Et là, ce qui va arriver, c'est que l'humain, tout au long de sa vie, va vivre des mécaniques qui vont toujours faire en sorte qu'il va essayer de recopier ce qu'il n'a pas. Alors, au lieu d'être ressuscité, au lieu de travailler à sa résurrection, on n'est pas au niveau du plan spirituel. Le plan spirituel, c'est la mémoire morte de ce que c'est que l'être humain lorsqu'il est relié à de l'intelligence et à de l'amour. De l'amour gratuit, pas de l'amour conditionnel dans le sens « je donne la cause que je souffre de le voir comme ça », puis etc. Là. Ça, c'est la spiritualité. La spiritualité, elle fonctionne uniquement dans le but d'amener vers l'ego des choses. Alors, on va donner à quelqu'un parce qu'on l'aime, parce que ça nous fait souffrir s'il est comme ça. Mais dans le plan de l'amour gratuit, tu ne souffriras pas de le voir comme ça. Tu es capable de créer aussi, tu es capable de donner, parce que dans le phénomène de l'amour instantané, les choses partent de rien. Alors que présentement, l'humain, les choses partent toujours de la mémoire. Je dois connaître les choses pour être capable d'aimer ou de détester. Et parce qu'il y a une mort au niveau du plan de l'intentionnalité, dans le bas fond astral, l'humain va créer, il va faire une copie de l'intentionnalité et il va appeler ça le libre-arbitre. Et là, ça crée des problématiques au niveau des états de la conscience chez l'humain parce que l'homme actuellement, l'homme, la femme et l'enfant, est totalement convaincu qu'il peut diriger sa vie, qu'il a un libre-arbitre, alors qu'il est 100% manipulé Ils ne dirigent absolument rien. Les individus ne décident pas ce qu'ils vont manger, ne décident pas de venir à la conférence ce soir, ne décident pas de partir. Les individus ne décident absolument rien. Tu n'as même pas décidé de porter cette cravate. Bon. Et tu n'as même pas décidé de l'acheter, d'ailleurs. Et tu ne décideras pas de l'acheter non plus, de la jeter. Bon. L'humain, dans sa structure, va finir par dire, puis par supporter au niveau de sa conscience les archétypes, les idées, que c'est lui qui dirige, puis qu'avec un peu de volonté, il va être capable de faire certaines choses. Mais la volonté n'appartient pas aux états planétaires de la conscience, la volonté n'appartient pas au mental, elle n'appartient pas à l'astral, elle n'appartient pas au vital, puis elle n'appartient pas au physique. Vous devriez avoir plus de volonté! Je suis entièrement d'accord. Donnez-moi-en. Je fais quoi? J'ai le plus de volonté. On n'est pas capable. Il faut absolument que l'humain ressuscite le corps supramental dans son ensemble, et là, il aura là-dedans, c'est la volonté. Sauf que l'humain en a recréé une partie qu'il appelle les barbites. Et comme je dis souvent, c'est que l'humain ne peut même pas décider entre le bien et le mal. L'humain, c'est toujours après l'avoir fait, si c'était correct ou pas. L'humain n'a pas la capacité de clairvoyance au niveau de sa vie. Même les clairvoyants ne l'ont pas. Les clairvoyants sont connectés à l'astral. Ils sont clairvoyants pour les voisins, mais jamais pour eux autres. C'est tout pauvre, les clairvoyants. C'est pas, ils vont te dire comment être riche, mais eux autres... Mais encore, la résurrection des corps qui sont justement morts... Oui, c'est ça. J'étais bien parti. Quelle action que... Que tu peux faire? Que l'homme a? Ben, t'es manipulé. Ben, justement, c'est ça. Ben, c'est ça. Donc, Rien. Ben, c'est... Il rit, en plus. C'est pas drôle. L'humain est mal pris, mon ami, mais mal pris. Sauf qu'évidemment, c'est absolument génial. Pourquoi? Parce que l'humain a toutes les caractéristiques nécessaires pour être capable de ressusciter son corps supramental. Puis finalement, l'autre corps. Puis quand l'humain va avoir ressuscité tout ça au complet, il va résorber l'univers. Il va simplement s'attirer son camp. Bon, en termes de... mais ça, j'en parle surtout au niveau des conférences privées. Mais présentement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit cesser, au niveau des états de conscience, regardez ceci. On agit, on est tous des êtres sous-développés. Mais dans le sens pays sous-développés, on est tous des pays sous-développés. T'es un pays sous-développé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'on est capable de le convaincre que l'extérieur veut l'aider, alors, son pays sous-développé, il a faim, là, ses doigts ont de la misère à manger, puis une sécheresse au niveau de son coude, alors moi, j'envoie du matériel. J'aide le pays sous-développé. Mais tant que je fais ça, je convainc toujours le peuple de ne jamais s'en sortir, parce que de toute façon, ça va bien mal. Il y a du monde qui vont souffrir pour lui. Tu sais, Dieu va t'aimer, ou le voisin, ou les États-Unis. Il y a du monde qui vont t'aimer, qui vont t'envoyer du matériel. Puis en plus, le grand virus qui gouverne les pays sous-développés, donc qui vous gouverne, l'ego, les gouvernements, c'est les grands virus. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils apprennent sans arrêt. Écoute, laisse mourir le peuple. Quand le peuple est assez mort, là, ben les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Australie, ils nous envoient du matériel. Mais qu'est-ce qui arrive avec la majorité du matériel envoyé pour le peuple? C'est l'ego, le gouvernement, qui le ramasse. Puis ton corps en a jamais. À un moment donné, moi, je vais te dire, écoute, tu as faim physiquement, alors voici les aliments que je te suggère. Tu regardes ça au complet, tu commences à manger un peu, puis quand tu as un petit peu moins faim, là, tu vois le dessert, là, tu manges plein de desserts. C'est l'ego qui ramasse tout. Tout le temps. Puis le reste du corps, le corps ramasse du sucre qui est un poison mortel, etc. Puis bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est des pays sous-développés. Tant que nous, en tant que pays sous-développés, on est toujours en train d'espérer après les pays qui sont riches, après les dieux, après les extraterrestres, après les intraterrestres, après ce que tu voudras au reste, tant que nous, on est mal pris, puis qu'on est toujours en train d'exiger de l'extérieur, ou d'attendre, ou d'implorer l'extérieur de nous en donner, jamais on va finir par comprendre qu'on doit prendre notre pays en main, notre terre en main, puis s'organiser. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, il y a plusieurs pays qui sont en train de mourir sous le fait que le désert prend toujours de l'ampleur. Leur problème, eux, c'est qu'ils ne peuvent pas cultiver, parce que vu qu'il n'y a pas d'arbres, écoutez bien, il pleut une fois par année, mais c'est assez pour qu'il ne reste plus rien après. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des petits arbustes qui poussent. Ces petits arbustes-là, là, on devrait les laisser là, ils maintiennent le sol. Mais là, eux autres, il faut qu'ils fassent cuire leur bouffe, fait qu'ils coupent le bois. Mais là, en coupant les quelques arbres, c'est pas long qu'ils deviennent des nomades, puis le désert gagne. Les fours solaires, ça existe depuis longtemps. Là-bas, ils ont un problème, là-bas, ils ont vraiment le nuage. C'est banal. Mais pour ça, non, nous, ce qu'on fait, les pays riches, on leur envoie des autobus scolaires, ils n'ont pas de pièces, on leur envoie des livres. Dernièrement encore, en Algérie, les Algériens apprenaient que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Au Vietnam, le Vietnam a été sous le règne français longtemps, les Vietnamiens apprenaient que leurs ancêtres étaient Gaulois, puis qu'ils avaient battu. Puis là, tu regardes la face, tu es un Vietnamien, puis les yeux bridés, puis tu regardes la photo des Gaulois, puis c'était comme ça. Ça venait de l'extérieur. Et c'est le problème chez l'humain. Vous êtes des fils et des filles créés par Dieu. Non! Là, c'est de l'importation de matière. Ça s'adresse de l'intraterrestre, ça s'adresse même pas à nous autres. On est des divinités effusées, pour des raisons très, très, très stratégiques, que l'humain va découvrir au fur et à mesure. On va peut-être en parler à un moment donné, c'est sûr. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on se gère comme un pays sous-développé, tant qu'on est avec le syndrome du subventionné, subventionné énergétiquement, hein, il y en a qui s'en vont au Tibet rencontrer un grand maître uniquement pour y toucher. Ting! Là, c'est merveilleux, puis là, ils respirent leur atmosphère, puis c'est vraiment qu'il n'y a pas de tuberculose. Puis là, après, qu'est-ce que tu fais? Ben là, tu vas voir la méditation transcendantale pour transcender la méditation. Et puis tu t'en vas voir la Dianétique, puis tu t'en viens voir Daniel Kim, puis tu t'en vas... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on se gère en pays sous-développé. Quand on va commencer à dire, qu'est-ce que j'ai comme richesse première? Hey, on est autonome. Après des millions d'années, on est encore capable de marcher sur la planète. Oh, on a pollué, on a fait des coups. Le Pinatubo, là, le volcan, bien meilleur que nous autres pour polluer, lui. En 3 semaines, il a pollué autant que toutes nos industries en date de 15 ans. Bon, puis pourtant, il n'y a aucune loi qui l'interdise, ce volcan-là. Hein? On est bien. On est solide. L'humain va se dire, quand je descends complètement puis j'ai plus rien, ben là, je me retourne vers Dieu. Mais ben, Dieu, est-ce qu'il vient t'aider? Ou si c'est pas plutôt l'énergie qui est en toi que tu commences à faire circuler? Parce que quand tu veux voir Dieu, là, est-ce qu'il se pointe Dieu? Puis quand ça commence à bien aller, pourquoi il continue pas de faire monter? Ben, je le prie plus. Pourquoi il en souffre? C'est humain, ça. C'est des dieux créés par l'homme à l'image et à la ressemblance de l'homme. Je n'ai rien contre. Les mécaniques divines dans le sens, disons, omnipotent, omniprésent et puis omniscient, ça c'est correct. Mais le Dieu que l'humain prie, c'est pas quelque chose d'omniscient, omnipotent, etc. Même le Nazaréen le disait, ça sert à rien de prier, ce que vous voulez demander, le sait déjà. C'est une instantanéité. Quand, j'aimerais avoir, moi je les vois faire, ils jouent au baseball, tu sais, le gars il s'en va avec son bâton, là, il fait un signe de croix. Le lanceur l'autre bord, là, il fait un signe de croix lui aussi. Hey, Dieu... J'étais jeune, puis je disais souvent, le paysan demande de la pluie, le voyageur demande du beau temps. Ben Dieu, il hésite. Chez soi. Mais toutes ces mécaniques-là, les gens sont manipulés. Ah oui, pas de barbite. Pas de barbite. Jusqu'au moment où ils n'ont pas non plus, sauf que... ils s'écœurent, et puis... Voilà. Est-ce que tu as choisi la face que tu as là? Les oreilles que tu as là? Le nez que tu as là? Les dents que tu as là? Non. Bon. Est-ce qu'ils vous ont présenté une banque de nez? Pour choisir. Hein? Quel bouton vous auriez où? Vous n'avez jamais rien présenté. Puis on n'a même pas les barbites. C'est sûr qu'on finit par apprendre. Quelqu'un va dire, regardez comment c'est fort. À un moment donné, on va dire, écoute, oui, mais là, moi, j'ai un les barbites dans le bien et le mal parce que je sais que ça, c'est mal. C'est pas du les barbites. C'est de la conscience. C'est différent. Et si c'est de la conscience, ça ne voudra pas dire que même si vous le savez, que vous ne pourrez pas faire autrement que faire le mal. OK? C'est ça qui est la différence. Moi, je le libarbite, je sais que je ne peux pas manger comme un cochon et ces affaires-là. Je le sais. Puis qu'est-ce que tu fais? Je le sais. Si j'ai mangé 3 chocolats, je le sais que je dois arrêter. Puis là, à 4, je le sais, à combien plus? Puis là, quand il ne reste plus, ben là, j'arrête. Okay? Là, ma volonté, elle était à 15 chocolats. J'aurais eu une boîte de 25, j'aurais arrêté à 15. Mais ta volonté a fait à 25, fais-y confiance au chocolat. Par contre, tu as la conscience. Mm-hmm. Tu sais qu'il faut que tu cesses de. On a la conscience. Le libre arbitre. Puis là, l'humain qui mélange les deux, c'est ça, c'est intéressant de comprendre au niveau des états de la conscience. C'est que si tu as un état de conscience astrale, psychologique, mais que ton corps supramental n'est pas encore ressuscité, en mélangeant les mémoires mortuaires du corps supramental à tes états émotifs psychologiques astrales, ce qui va arriver, c'est qu'on mélange ce qu'on va vivre dans le plan supramental avec ce qu'on vit dans le plan astral. On mélange ce qu'on va vivre dans le plan de l'amour gré instantané avec ce qu'on vit présentement, et on mélange ce qu'on va vivre dans le plan de l'intentionnalité avec ce qu'on vit présentement dans nos formes limitées. On passe notre temps à se faire la guerre. La race humaine, c'est l'une des races les plus... Sa première programmation, c'est l'autodestruction. Bon. Alors, si c'est pas en faisant la guerre, c'est en mangeant mal, c'est en s'irradiant, c'est en se stressant, c'est l'autodestruction. Maintenant, l'humain, lui, par l'autodestruction, il crée des cellularisations qui renforcent le corps physique et qui permettent un jour l'intelligence de descendre chez lui. C'est pour ça que l'évolution a toujours été, d'une certaine façon, une évolution martyre. Il faut qu'on mette fin à ça, évidemment. L'état de conscience fait quoi? Au niveau du plan psychologique, vous avez de l'émotion. Mais au-delà de l'émotion, vous avez du sentiment. Le sentiment, c'est un phénomène qui est inhérent à un plan pur astral, autrement dit à une âme pure. L'âme pure aura du sentiment. Un sentiment, c'est que je vibre. Je peux pleurer, je peux ne pas pleurer, je peux rire, je peux me sentir bien, je vibre. Une émotion, c'est lorsque j'ai mémorisé mon sentiment puis que j'espère revivre la même chose. Et une émotion devient toujours comparative. Le sentiment ne l'est pas. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que pourquoi l'émotion est-elle comparative? C'est que l'émotion, c'est une coloration du savoir instantané. Dans le savoir instantané, on sait exactement ce qu'on a besoin de savoir quand c'est le temps qu'on le sache. Donc, je rencontre quelqu'un et je sais instantanément comment elle est. Et parce que mon plan supramental est mort, bien, je rencontre quelqu'un, je vis un sentiment, puis là, je mémorise parce que je veux savoir comment elle est. Et là, je me dis, ah, oh, mais cette personne-là a toujours été comme ça, puis là, elle me demande, je peux pas la connaître comme elle est. Je rencontre un arbre, je peux pas connaître l'arbre comme il est. Pourquoi? Parce que j'ai toutes mes arbres dans ma tête, puis là, je mémorise, puis je compare, puis je suis ci, puis je suis ça. On va dans d'autres pays, c'est la même chose, puis le pire, c'est que vous vous regardez vous-même, puis vous vous comparez vous-même. Vous avez subitement changé. C'est un éclaboussement de conscience. Mais deux jours après, vous y croyez pas plus. Parce que qui vous êtes pour... Si l'humain est spontané, tous les matins, ou toutes les secondes, toutes les millièmes de secondes, lorsqu'il se regarde dans sa tête ou dans un miroir, ou etc., c'est lui ou elle qu'il doit voir. Pas ce qu'il a été. Mais l'humain continue à voir ce qu'il a été parce que l'humain, est dans son état de conscience astral, il tient absolument à recréer les conditions de l'état de conscience supramental, de savoir instantané. Alors l'humain s'imagine qu'il sait. En fait, quand il vit de la mémoire, de la conscience. Il essaie continuellement d'expliquer le présent et l'avenir à partir du passé. Parce qu'il n'a pas de savoir instantané, il a un savoir mémoriel. Ça va engendrer la sagesse chez l'homme. Mais la sagesse est bonne uniquement tant que les choses, les conditions ne changent pas. L'état de conscience astral crée cette problématique-là. Pourquoi? Parce que l'humain va vivre des dépressions. L'humain vit, pas il vit des dépressions, l'humain. L'humain, pourquoi? Bon, il y en a ici qui aiment le sucre. Du point de vue des corrélations moléculo-énergétiques, un individu qui mange du sucre est un individu qui se nourrit astralement. Autrement dit, quand on mange du sucre, c'est parce qu'on s'aime. Mais quand on mange, en réalité, c'est parce qu'on ne s'aime pas. Mais quand tu manges du sucre, tu te nourris, tu t'aimes. D'autres personnes vont aller jusqu'à manger n'importe quoi parce qu'ils ne s'aiment pas assez. Là, ils vont devenir boulimiques. Je ne parle pas d'une façon psychopathologique, dans peur d'être maigre. Mais les individus, un individu qui mange du sucre est un individu qui, dans sa structure, dans son état de conscience astrale, ne s'aime pas. Puis qu'est-ce que c'est ne pas s'aimer? C'est ne pas avoir la capacité spontanée de savoir qui on est. Alors, automatiquement, on va créer l'illusion de la recherche de qui je suis. Mais dans la recherche de qui vous êtes, imaginez, vous êtes étudiant, étudiante quelque part à l'école, puis pour savoir quel diplôme vous allez avoir, vous regardez comment vous allez fonctionner à l'élémentaire. Parce que l'humain ne peut pas connaître l'avenir. L'humain, il se dit, qui suis-je? Alors, il regarde en arrière, ah tiens, j'ai sucé mon pouce jusqu'à l'âge de 14 ans. Hey, je ne dois pas être bébé brillant. Quel âge as-tu? 42. On n'a rien à faire, ça ne te regarde pas ce que tu as fait là. Ouais, mais en plus, j'ai déjà commis des vols, puis j'ai déjà. Ça ne nous regarde pas. Ouais, mais à 25 ans, j'ai même fait un ISS avec un. C'est pas ça que tu es. Mais l'humain, il additionne tout ça au complet, à un moment donné, il en déduit échec. Les êtres humains qui, à la fin de leur vie, peuvent dire égal, succès, je n'en connais pas. Les voisins vont dire succès, parce que les autres, ils ont de gros succès, ça te permet d'être médiocrisé, toi, là. Mais l'être humain, là, millionnaire, pas millionnaire, sur son lit de mort, là, ou deux, trois jours avant, il est le temps que son antilhomme s'en aille, là, il se dit, est-ce que ma vie a été agréable, utile? Est-ce que ça m'amène, est-ce que ça me mène quelque part? Là, je m'en vais, là, j'abandonne tout ce que j'ai fait, là. Est-ce que je sais plus ce que je fais ou je m'en vais? Là, il sait pas plus. Pourquoi? Parce que l'être humain a toujours été centré sur la copie conforme des corps morts. Disons, des états de conscience qui sont morts, essayer de les repiquer, de les recréer au niveau des états de conscience qui sont vivants. C'est l'astral qui est le plus grand processus de recopie. Quand l'humain va donc se lancer en quête spirituelle, pourquoi on se lance en quête spirituelle? On essaye d'être aimé. Faut plaire à Dieu. Quel que soit le Dieu, plaire au cosmos, plaire à l'écologie, à l'écologisateur cosmique. Bon, c'est pour plaire. Pourquoi faut plaire? Parce qu'on essaie de recopier le plan de l'amour instantané à l'intérieur de nos structures. Mais on n'en comprend pas le principe. Quand, à un moment donné, un bonhomme théologien va dire, quelle que soit la religion, vous savez, à la fin, là, vous êtes en train de mourir, en train de passer, là, si vous repentez réellement, ben vous allez être absous de vos péchés, comme ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. J'ai passé 45 ans, 60 ans. C'est instantané, l'amour. Donc, on ne veut pas savoir ce que tu as fait lorsque tu étais manipulé et que tu n'avais pas de conscience. Si tu es capable de muter ton corps au niveau neuro-endocrinien pour être capable subitement... Puis quand on parle de repentir, là, il y a une nuance. Le repentir, c'est encore une copie. Quelqu'un qui se repentit, c'est quelqu'un qui se rebâtit. Maintenant, le repentir dans l'astralité humaine, ça veut dire avoir honte. Ça veut dire t'excuser d'avoir prétendu que tu étais bon, fort, puissant. Celui qui se repent, c'est quelqu'un qui part à broyer, puis qui se repent, puis qui... C'est pas ça de repentir. La résurrection, c'est pas non plus que les corps vont sortir des tombeaux. On est 5 milliards, 425 millions sur la planète Terre. Imaginez s'il faut qu'on ressuscite tous ceux qui ont vécu avant nous autres. Déjà là qu'on est surpopuleux. On se ramassait avec quelques millions de milliards d'individus, puis je vous assure que là-dedans, c'est pas tous des cadeaux. L'humain, les états de conscience, le premier état de conscience utilisable, c'est le plan physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui nous dit quand on doit se coucher, quand on doit manger, quand on doit faire ceci, quand on doit faire cela. Mais il est automatiquement pillé par la conscience astrale qui, elle, recopie les autres plans. La conscience astrale se dit, écoute, c'est moi qui décide. Moi, je décide que je vais boire. As-tu soif? Eh bien, oui, j'ai soif, niaiseux, je bois pas quand j'ai pas soif. T'as pas décidé que tu pouvais boire d'abord, c'est ton corps qui a décidé que t'étais pour boire. Ah oh, ben non, je peux arrêter! Là, c'est ton ego qui réagit à ce que je viens de dire. T'as toujours pas décidé que tu ne buvais pas. Ok, t'es réactionnel. Bon, c'est facile, tu dis à quelqu'un, lève-toi, t'es manipulé, lève-toi. Ah oh, ben moi, je me lève pas, tout le monde trouvé, je peux manipuler. Ben, c'est parfait, parfait. Reste assis. Mais là, il se lève. Et voilà, il est debout. Il suffit juste de connaître la clé, mais l'humain va réagir quand même. Pourquoi? Parce que l'humain veut toujours vivre avec l'idée qu'il a de l'intentionnalité. Il n'y en a pas. Le deuxième état de conscience qui est pillé souvent, puis qui peut être dangereux au niveau de l'humain, c'est celui du fait que l'humain vit comme une créature. Mémoriellement, l'humain est une créature du temps. Créature de la mémoire. Parce que sans mémoire, l'humain qui n'a pas de conscience, c'est rien. Sauf que l'humain vit comme une créature qui doit servir. Servir Dieu. Servir le cosmos. Il n'y a rien qu'à servir tout seul, le cosmos. Puis Dieu a juste à régler ses choses tout seul. Il n'a pas besoin de l'homme. Mais l'humain vit cette condition. Pourquoi? Parce que toutes ces mécaniques-là, il y a un paquet de mécaniques de pillage au niveau de la conscience qui vont faire en sorte que l'humain doit toujours rester petit et médiocre. Mais pour modifier justement ces comportements-là, ces mécaniques-là, l'homme doit se servir de sa conscience associée à son savoir, à ses connaissances. Non. Non? Ce que tu dois faire, puisque tout le monde doit faire pour arriver à être bien sur une planète Terre où ce que les choses vont comme les choses vont, il faut simplement que la personne soit capable de se centrer sur elle-même. Centrer sur elle-même, ça veut dire que si elle a des corps qui ne sont pas ressuscités, c'est pas grave. Centrer sur elle-même, ça veut dire que le corps physique, le corps vital vient se placer exactement dessus. Le corps vital, il traîne pas à Sainte-Agathe quand tu restes à Montréal. Là, t'as tout, oui, j'ai besoin de déménager à Sainte-Agathe. Puis là, il me semble que je suis mis à Sainte-Agathe. Puis le celui qui était à Sainte-Agathe, bien là, lui, son corps vital est à Montréal. Puis là, lui, il met sa maison en vente. Tout le monde, tu sais, bon. Il faut que ton corps vital se rapatrie où tu es, toi. Ton corps astral ne doit pas être chez la femme ou l'homme que tu aimes, chez tes enfants, chez tes parents, chez tes petits-parents, chez ton banquier, ton compte en banque, ton argent, ta compagnie, ton automobile. Ton corps astral doit être centré chez toi. Pas dans tes souliers. C'est pas ça, la vie. En tout cas, c'est mon avis. Mais l'humain doit centrer son corps astral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être capable de cesser de dire, oh, mais regarde, si je serais grand comme lui ou grand comme elle, ou c'est te centrer chez toi. Bon. En fin de compte, c'est vivre le moment présent. Non. Ça c'est tout. Oui, mais c'est appris. Ça ne plus rien. Il faut que l'humain centre son corps psychologique sur lui. OK? Ça veut dire que toi, tu vas t'habiller en fonction de te sentir à l'aise. Pas à l'aise quand tu vas rencontrer les voisins. Tu t'habilles dans ta maison, là, puis tu te sens correct, c'est parfait, t'es à l'aise. C'est merveilleux. Il faut absolument que l'humain centre son corps psychologique sur lui. Je trouve que tes questions sont pas intéressantes. L'autre chose qui suit, c'est qu'il faut absolument centrer son plan mental. Le plan mental, on le centre sur le plan psychologique. Je l'avertis, je vais éternuer. Je le sens. Bon. L'humain doit sentir son plan. Ah. Bon. La conscience? Non, éternuement. Ah, OK. Bon, voilà. Mais... De pouvoir prévoir la conscience de son corps physique. C'est ça. Bon, on revient. Le plan mental. Le plan mental doit être centré dans le plan psychologique, mais pour que le plan mental soit centré dans le plan psychologique, il faut absolument que le plan psychologique soit centré avant. L'humain, qu'est-ce qu'il se dit? L'humain, il se dit, moi, j'aimerais ça rencontrer Dieu. Mais son plan astral n'est même pas centré. Il ne rencontrera pas d'intelligence supramentale, certain. Okay? Son état de conscience astrale n'est pas centré. Là, l'humain se dit, moi, j'aimerais ça être ordonné dans ma vie. Oui, mais tu ne pourras pas être ordonné dans ta vie si tu n'as pas commencé par centrer ou l'amener à une centricité intéressante, ton plan psychologique. Tant que vous êtes dépendant et dépendante de tout ce que les autres vont penser de vous, votre plan psychologique n'est pas rapatrié. Combien de minutes par jour perdez-vous à vivre uniquement en fonction d'autrui? C'est ça la conscientisation. C'est de vivre pour nous autres. Et vivre pour nous autres, ça ne veut pas dire être une personne totalement sans cœur. Regardez comment c'est. Vous me servez et vous êtes bonne. Vous ne me servez plus? Maudit sans cœur! Mais moi, là, qui exige que vous me serviez, là, je suis quoi? Pour paraître pas sans cœur, tu dois tout donner à quelqu'un qui est sans cœur. Ah oui! Parce que celui qui va exiger que tu serves, celui-là, il te respecte pas. Vous vérifiez souvent votre onde de forme en fonction d'autrui. Hein? L'onde de forme, c'est ce qu'en anglais on appelle, comment on appelle ça? Le look. Mais le look, là, le voyez-vous? Non, hein? C'est les autres qui vous look. Hmm? On ajuste son onde de forme en fonction des yeux des voisins. On ne sait pas si on peut parler en public parce qu'on va être jugé. On ne sait pas si on conduit bien. On sait jamais rien. Je dis souvent, tu conduis ton automobile, puis m'en donner ton rétroviseur, tu vois une autopatrouille de la police en arrière. Là, tu vérifies ton tachymètre, ta ceinture, tes cossins, tu te demandes à tes papiers. Coupable! Et ça va chez Dunkin' Donuts. Il y a d'autres affaires qui ont arrêté, mais tout de suite, tu sais plus. Centrer sa psychologie, ça veut dire cesser. Pensez-y juste 40 secondes. 30, on dit 30, hein? 30 secondes. Tout ce que vous dépensez en énergie pour nourrir autrui. On les nourrit émotivement. On leur donne notre énergie. Et là, notre corps astral, le corps psychologique est donné chez autrui. Puis s'ils sont bien élevés, ils vont nous le rapatrier. Comment se trouve mon nouveau chandail? Ah, il est pas mal beau. Ah, merci. Parce que je ne peux pas savoir tout seul qu'il est beau mon chandail. Il va dire qu'il est pas beau ton chandail. Ça dépend des yeux qui regardent. Écoute, ça n'a rien à voir, la beauté. La beauté comme ça n'a rien à voir. Tu as déjà parlé d'avoir une opinion. D'avoir une opinion permet de se centrer. Ben oui. D'avoir une opinion, on va en parler un petit peu tout à l'heure au niveau des perfecteurs de conscience parce que ça a rapport à ça. Peux-tu m'amener un Kleenex? Merci. Vois-tu, l'être humain centré est un être humain qui n'a pas besoin de tout calculer sa vie en fonction de l'extérieur. Puis là, on rit parce qu'on pense souvent qu'on n'est pas comme ça. Ma mère, moi, était intéressante parce que mon voisin était plus intéressant qu'on commet. Mais quand mon voisin était plus intéressant que ma mère s'arrangeait pour être plus intéressant que le voisin. Mais là, le voisin d'en face faisait pareil. Il a planté un arbre, ma mère en a mis un, l'autre en a mis deux, elle en a mis trois, lui, il s'est acheté une cour, lui, en a mis quatre, en tout cas. Puis ça y allait comme ça. Puis là, on rit de tout ça, nous autres, parce qu'on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça, peut-être au niveau des arbres. Merci. Wow. Attends-moi, tout l'armée. Les autres! Ah! Une opinion, qu'est-ce que c'est? Le fait de s'opinioniser, c'est de ne pas faire du bourraciste. L'opinionisation est extrêmement importante pour permettre la centricité de l'état de conscience astrale. Vous savez, on s'amuse, on rit, c'est bien. Et c'est extrêmement important de comprendre que vous marchez probablement en fonction d'autrui. que vous conduisez en fonction de trucs, que vous mangez en fonction de trucs. Vous mangez là, puis là, il y a du monde important. Là, est-ce que vous savez comment il faut manger? Là, vous coupez toujours votre viande avec la mauvaise main, puis à un moment donné, la personne mange tête, puis gauche, tête, tête, tête, tête, ça, c'est plus, tu sais. Là, tu marches, tout va bien. Là, oh, merde, j'ai oublié quelque chose! Là, t'es passé dans du monde, là, tu retournes-tu, là, pour qu'ils se rendent compte que tu retournes, t'as oublié quelque chose, là? Là, ben, si tu, bon. Je dis souvent, les gens, ils rentrent aux toilettes, ils s'assoient. Ah, quelqu'un rentre, c'est à côté. Ah, là, il a fait... On vit en fonction des autres. Faut cesser. Et chaque petite banalité. Tu veux avoir une relation sexuelle, c'est toujours un amanchure. Puis c'est pas de vivre uniquement égocentriquement en fonction de toi. Ce que je veux dire simplement, c'est que tu dois t'arranger pour être capable de t'aimer. Puis quand je parle s'aimer, c'est pas dans le genre d'une personne qui a un complexe d'infériorité supérieure. Un complexe d'infériorité qu'on appelle. C'est la même chose. C'est pas moi je m'aime, moi je suis bon, moi. Non, lui il s'aime pas. Faut qu'il le répète tout le temps pour s'en convaincre. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est une personne qui est bien. Une personne qui est super bien, puis à un moment donné, elle renverse son verre de jus. Fait toujours aussi bien. Ça va sur les culottes de l'autre. Non, t'es mal. Elle, toujours aussi bien. Tu es centré chez toi. Tu vas aller essuyer ou tu vas aller lui donner ou tu vas. Bon, mais centré chez toi. C'est extrêmement important. Quand on est capable de faire ça, on est capable d'avoir une opinion. Quelle est l'opinion que vous avez de vous-même? La majorité des gens n'ont pas d'opinion. Là, ils recherchent à savoir qui ils sont. C'est, une opinion, c'est une étape consciente au niveau du plan mentalo, du début supramental, qui est permis par la centricité du plan astral, donc du niveau psychologique, psycho-émotif. Je te trouve laid. Mais là, voyons donc, je te trouve beau. Ah, il y a encore bien plus peur. Ça n'a rien à voir. Continuellement, on est là à se travailler la conscience, la parole, la tête, le corps, l'habillement, le taux, la maison. Nos enfants, on travaille nos enfants, on travaille notre mari, notre femme, pour que ça paraisse bien. Ça, il faut que ça cesse. La centricité de l'état de conscience psychologique va amener l'opinionisation. L'opinionisation, c'est d'avoir une opinion. Puis une opinion, c'est pas de dire, ben moi, mon opinion, c'est moi-même, c'est que je suis bon. C'est pas ça, une opinion. Une opinion, c'est la valorisation énergétique dans le contexte planétaire du plan supramental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a rapport un peu, on va revenir avec les perfecteurs de conscience, mais au niveau de l'état de conscience supramental, quand on est capable de s'opinioniser, on commence à appliquer, on force la descente de la volonté dans notre vie. Ça prend un laps de temps, parce qu'au début, il faut être capable de parler. L'opinionisation l'exige. Par la suite, on doit être capable de supporter ce qu'on va dire. L'opinionisation l'exige. À un moment donné, on ne peut pas plus faire ça, il faut que vous compreniez l'idée. L'humain qui a le savoir n'a pas la volonté encore. Donc, vous allez savoir des choses, mais vous allez continuer à faire des choses qui ne sont pas correctes, puis vous allez faire des choses qui sont correctes. À un moment donné, vous allez commencer à faire de plus en plus des choses qui sont correctes. Quand je parle correct, qui vont vibrer avec vous. Moi, je ne dis pas quoi faire, parce que je ne peux pas savoir ce que vous allez avoir à faire. Bon, dans la nourriture, vous allez manger ce que vous allez avoir besoin, pas ce qu'on va lire dans un livre. Ah, c'est celui qui l'a écrit qui avait besoin de ça. L'opinionisation va faire en sorte, à un moment donné, que... Est-ce que tu crois à la réincarnation? Oui. Bon. Est-ce que, selon toi, la réincarnation, c'est vrai? Oui, puis non. Oui ou non? Oui. Vous voyez l'opinion qu'il a? Oui. On a tellement peur de se mouiller. Mais vous êtes pas des cons. T'es pas un con. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on exprime ce qu'on a comme intelligence. On l'a. Les individus qui viennent écouter Daniel Kem ou qui sont capables de conscientiser des choses, c'est du monde qui ont de l'intelligence. Je ne parle pas d'intellectuance, la majorité ont de l'intellectuance. Je parle d'intelligence, capable de comprendre des choses neuves, capable d'innover. Bon, la réincarnation, est-ce que c'est vrai ou non? C'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas une opinion. C'est une répétition de choses apprises. Ce n'est pas ça une opinion. Est-ce que tu crois à la réincarnation? Oui. Bon, est-ce que la réincarnation, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Vous voyez? Intéressant, c'est vrai, oui, c'est faux. Bon, là, on peut continuer comme ça. Puis lui, il est puissant. Imaginez ce que ça peut être. Vous savez des choses. Le début de la centricité au niveau des plans de la conscience, puis on va parler de la conscience en masse les deux prochains mois. C'est important d'être premièrement être capable de sortir d'ici ce soir avec une conscience vivante. Ça veut dire, puis la conscience vivante, c'est pas connecté à X, Y, Z, c'est connecté chez vous. Croyez-vous à la réincarnation? Ben, ça se peut que ça... Croyez-vous à la réincarnation? Non. Oui. Pas de faire. Là, il y a quelqu'un qui va dire, non, moi, je crois pas. Moi, je sais que ça existe. C'est de toi appris. Là, c'est du niaisage. Parce qu'il faut que tu expliques pourquoi tu réponds tellement pas sûr. Non, j'y crois pas. Ah, tu penses pas qu'on se réincarne? Je suis sûr qu'on se réincarne. Ah, t'es malade. Je suis un malade. Avoir une opinion, c'est simple, hein? Si t'as une opinion de toi, tu dépendras plus jamais de l'opinion des autres. Puis ça veut pas dire que t'écouteras pas quelqu'un d'autre. Moi, si je te dis que ta cravate est mal placée, c'est pas une opinion. Une constatation. Là, tu peux l'arranger ou dire, ben écoute, quand je l'amène même, ça m'étouffe. Puis comme ça, m'arrange. Ah, oh, c'est réglé. C'est banal. Simple. La vie, là, c'est quelque chose d'important. Faut pas qu'on se prenne au sérieux, faut la vivre sérieusement. S'opinioniser, c'est être capable de supporter ce que l'on sait. Bon. Est-ce que quand on porte un bébé, ben est-ce que nos émotions sont vécues par le bébé? Moi, je suis sûr que oui. C'est déjà une opinion faussée. On dit pas moi, je suis sûr que oui. On met oui. Hein? On va le dire que c'est moi qui parle. Si l'autre qui pense que c'est la vérité absolue, vous lui donnez, c'est sa faute. C'est son problème. Continuellement. Vous savez que vous savez tout ce qu'il faut pour changer vos vies au niveau d'alimentation, vous le savez. N'ayant pas d'opinion sur votre savoir, ben on doit lire par-ci, lire par-là, puis on doit essayer, puis on sait. Puis là, je dis pas que parce que vous le savez, vous allez pouvoir le faire. Ça, c'est une autre chose. Quand la conscience va être perfectionnée, à un moment donné, on va développer le plan de la volonté, on pourra le faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Présentement, l'humain, là, il doit pas paraître bien. C'est ça qui frustre tout le monde. « Oh, mais je le sais, puis je le fais pas. » Je m'en fous que tu le fasses pas ou que vous le fassiez pas. C'est pas ça qui est important. Il faut que l'humain sache au départ. Quand on saura ce qu'il faut faire, ben à un moment donné, veut pas, on va arriver à créer une motricité qui va engendrer la volonté, qui va nous permettre de l'accomplir. Présentement, ce qu'il faut, c'est pas que vous accomplissiez, que vous paraissiez bien devant vous, devant autrui. Surtout que le peuple planétaire n'est pas encore prêt à ce que les gens commencent à accomplir des choses. Parce que vous allez être des miroirs dans ce temps-là. Elle l'a prouvé qu'ils ne sont pas corrects. Les autres, ils vont avoir deux solutions. Détruire le miroir ou se pousser. Si les miroirs sont sur la planète, ils ne pourront pas se pousser bien, ils vont détruire les miroirs. C'est toujours ce qui arrive aussi. Même, on voit ça au niveau historique dans le passé. Présentement, ce qu'il faut, il faut que la personne sache. Moi, je sais, vous savez ce que vous devez faire dans votre vie, mais il faut absolument qu'on centre l'état de conscience psychologique, qu'on centre l'état de conscience mentale, parce que les gens en ont un. Au niveau nord planétaire, la majorité en ont un. Puis là, on va commencer à ressusciter le plan supramental, qui est l'intelligence spontanée. Mais pour que l'humain puisse ressusciter le plan supramental, la résurrection se fait toujours individuellement. Hein? On n'est pas ressuscité collectivement. Pouf, toute une gang ensemble, parce qu'on s'aimait bien, puis on se touchait la main de temps en temps, on ressuscite ensemble. La résurrection du plan supramental se fait individuellement. Pour qu'elle se fasse individuellement, il faut qu'elle soit consolidée par la centricité des plans inférieurs. Donc, il faut absolument que l'humain soit capable d'avoir une opinion. L'opinion, ça va être, par exemple, est-ce que tu trouves, toi, le monsieur avec des verres, que les verres que vous portez sont les verres qui vous vont le mieux? Mais l'opinion qu'il doit en avoir, j'ai pas d'opinion là, moi. Mais c'est une opinion qui est valable. Pourquoi? Parce que, écoute, moi, je vois clair, là. Et tout. Il m'écrase pas le nez, etc. Puis quand je me vois dans le miroir, ben mon ombre de forme, ça va, je me suis pas demandé si... Ça, c'est déjà une opinion. Mais l'humain doit rapatrier toute son opiniosité vers lui. Hein? C'est facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun ici, si on vous pose des questions, comment devrait être le prochain gouvernement? Bien, après une discussion d'une heure et demie, deux heures, on va réchauffer un petit peu, là. Si vous vous opinionisez, ah, vous savez. Vous savez ce qui marche mal dans la société, dans vos vies. Vous savez ce qui marche mal sur la planète. On sait. On ne sera pas tous la même chose. Par exemple, on dit qu'il y aurait la guerre du Golfe encore, on dit comment on peut régler ça? Ah, une opinion. Je ne parle pas d'opinion collective, puis d'opinion d'égo, là. Oh, j'ai raison, moi! Non, pas ça. L'opinion, on exprime ce qui se vit chez soi. C'est ça, l'opinionisation. À un moment donné, on va avoir une solution du guerre du Golfe, la guerre du Golfe. Une autre solution. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'applique elle ou elle, les trois vont fonctionner. Mais les gens intelligents, ils n'auront pas commencé à s'obstiner pour savoir qui ont raison ou qui ont tort. C'est pas de gagner, c'est de savoir quelque chose. Lorsque l'humain a une opinion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, là, vous n'êtes pas que de la chair, mais n'agissez plus comme si vous n'étiez que de la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a une opinion, automatiquement apprend à s'aimer. Celui qui a une opinion, automatiquement, il apprend à s'aimer, donc à se respecter. Je donnais l'exemple, à un moment donné, on fait une interview à la radio, puis l'intervieweur commence en disant, on parle par exemple du phénomène extraterrestre. On interviewe quelqu'un ici, c'est un spécialiste, il en a rencontré quatre apparemment. Bon. Ah, monsieur, l'extraterrestre, si il a une opinion de lui, peut-être qu'il dit rien là. Mais le narrateur pourra pas là, continuer longtemps comme ça. C'est pas une question d'orgueil. Votre cravate, là, est-ce que c'est des signes particuliers, ça, donnés par les extraterrestres, les symboles qui sont dessus, là? Ben, s'il s'aime, puis s'il a une opinion de lui, il va dire, écoutez, monsieur l'animateur, on parle d'extraterrestres ou ben non, on parle de linge. Si vous voulez parler de mode, moi, je m'en vais, puis inviter quelqu'un d'autre. Il est pas frustré! Écoute, il se respecte. Il y a rien là, le gars va dire, ah, vous êtes bien frustrable! Mais non, je suis pas frustrable, je me parlais d'extraterrestres. J'avais 10 secondes pour poser une question aux extraterrestres. Ben, relaxé! Il se lève, il s'en va. C'était en direct à Adlib. Il est libre, il s'en va. Fini là! Écoutez, il n'y a rien à faire là. C'est ça qu'il faut faire. Là, l'humain, ah! Mais savez-vous ce que ça fait d'agir comme ça? Ça fait pas juste dire, ben, il vient de perdre l'émission. C'est pas ça que ça fait dire. Ça fait dire qu'il vient d'implanter dans l'astral ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, parce que ceux qui viennent la première fois, il y a toujours un petit vocabulaire qui est un petit peu nouveau. Mais il vient d'implanter dans l'astral un sceau, une marque. Le prochain qui va l'inviter, il va le respecter. Il va le trouver respectable. Ouais, mais il l'invitera plus. Ils vont l'inviter parce que entre nous, les humains, on a hâte de rencontrer du monde qui se tienne debout. On a tous hâte. L'autre, là, parce qu'il n'est pas dans sa conscience, ses plans ne sont pas centrés, il va être frustré, il va l'envoyer promener, l'animateur qui est là. OK. Mais les humains ont hâte de rencontrer des gens qui... Vous avez hâte! Mais le premier à rencontrer, c'est soi-même. Mais soi-même, ça veut dire que je vais me trouver un emploi puis comment ça se passe. Alors, m'en vais. C'est fini là. Oui, mais je vais se respecter. Ça, c'est centrer son plan. Ça veut dire rapatrier chez soi ces choses. Quand on fait ça, on commence à savoir. Est-ce que vous croyez à Dieu? Oui? Oui. On ne va pas dire ça en public. Tu sais, ça... Tant mieux, d'abord, dites non. Oh, dites oui. Puis dites oui, je crois à Dieu. Mais Dieu n'a pas la puissance de me forcer à le dire. Alors, je dis non. Vous croyez en Dieu? Parfait. C'est pas un problème. Moi, mais d'un coup, je me trompe. Tout le monde se trompe, sa planète. Bon, alors c'est pas même grave qu'on se trompe. Crois-tu aux extraterrestres? Oui. Est-ce que ça existe, l'extraterrestre? Oui. J'ai encore pris. Est-ce qu'il faut qu'il annonce publiquement des choses?